Doublette suivante, toujours dans l'aspect française, nous aurons tout d'abord le déroutant Point Mort, groupe de post-hardcore parisien, qui après 2 EP sort là son premier album studio. On est sur un post-hardcore paradoxalement hargneux et poétique, une vocaliste avec une fois de plus un panel vocal incroyable. Et voilà, enfin, les parties de chant ont une place très très importante dans Point Mort, ce qui apporte une énorme, un énorme souffle déconcertant, à la fois chaotique et à la fois beaucoup plus mélodique et posé. Voilà pour Point Mort. Et ensuite Skaphos, groupe français qui nous vient de Lyon, qui vient d'ouvrir pour la tournée I Am Morbid, Belphégor et Hate, histoire que vous voyez un petit peu l'ambiance musicale que peut nous proposer la formation. Deuxième album studio, un 10 titres avec une inspiration globale qui nous vient des abysses marins et de l'ambiance lovecraftienne. Voilà, un Black Death sale et radical, bien efficace pour Skaphos. L'album s'intitule Toroi, on s'écoutera le morceau Bloop. Bon, c'est assez rigolo de retrouver ça dans le black metal. Et juste avant ça, Point Mort avec le morceau Pretoria, extrait de l'album Pointless. C'est parti. We'll be right back. va donc déjà clôturer et quitter l'aspect française avec une dernière doublette et une dernière nouveauté hexagonale. Winter Alter, c'est une récente formation de post-metal. Ils sortent un premier album qui contient 6 titres. Musicalement, on est sur quelque chose de lourd, de sombre, très porté sur les atmosphères. Quelques petits relents post-hardcore par-ci par-là, et à la croisée du black metal, d'inspiration Cult of Luna ou autre Amenra. Et sur deux titres, on retrouve Laure Leprenec, qui est l'ex-vocaliste de Igor, donc pareil, ça fait partie des fortes influences bien présentes dans la musique de Winter Alter. En doublette avec eux, on retrouvera Post Mortem, une formation qui nous vient de l'est de la France, de Mulhouse pour être plus précis. Ça nous donne dans le old school, dans le death old school. Ils sortent là leur second album studio du death old school classique, avec une sorte d'hommage au death old school type Merciless, les premiers Loud Blast et autres agresseurs. Donc voilà, Post Mortem, un groupe qui vit à la fois dans le passé et en même temps très actuel dans ce qu'ils peuvent nous proposer. Au niveau des morceaux qu'on va s'écouter, donc tout d'abord Winter Alter, le morceau Light, extrait de l'album Deuls. Post Mortem ensuite, Cryptic Revelation, extrait de l'album The Monumental Pandemonium, une sortie Great Dane Records. retour à la diff internationale avec une autre nouveauté, Deadhead, vieille formation qui nous vient de Hollande, formée en 1989. Ils sortent là leur 7e album studio. Le groupe a toujours été actif au long de ses 30 années et quelques de carrière, même s'il y a eu des vides en termes de sortie studio. On est sur un thrash assez frontal, à la limite du death. C'est un peu la veine européenne de Demolition Hammer pour les US. Voilà, cette veine Sadus, Dark Angel et même le créateur le plus violent qui tendait vers le black. C'est bas du front, c'est efficace, c'est agressif, particulièrement au niveau des parties vocales. Donc voilà, Deadhead à découvrir. Et ensuite Mirror, un groupe de heavy qui nous vient de Chypre, fondé par un ex-bassiste de Wizard, de Electric Wizard, pardon, ça y est, je commence à fatiguer les mots qui dansent. Donc on est sur un heavy un peu occulte revival, d'inspiration vocale théâtrale à la King Diamond, Merciful Fate, même si ça va pas taper aussi haut dans les aigus. Donc voilà, pour un fond old school et bien inspirant et inspiré. Voilà pour Mirror. Au niveau des titres, qu'est-ce qu'on va s'écouter ? Eh bien, le morceau Acolyte, extrait d'album Slave Driver de Deadhead, une sortie Emerald Records d'ailleurs. Et ensuite Mirror, Sleepy Eyes of Death, extrait de l'album The Day Bastard Leader Dies, une sortie Cruz del Sur Music. C'est parti. Praying at the cross, muttering at ripple lies, which remains. S'approche de la fin de l'émission d'aujourd'hui, mais ça nous empêche pas de s'envoyer une petite doublette de nouveautés. Tout d'abord, Static Abyss, c'est une découverte, hein. Un tout récent duo américain de Death Doom. La formation a beau être vachement jeune, les vétérans qui sont dedans ne sont pas nés de la dernière pluie. Ce qu'on retrouve tout d'abord, Chris Reffert d'Autopsy, bien sûr, batterie et chant, et accompagné par un autre musicien également vétéran de la scène, Greg Wilkinson, un peu moins connu, mais qui, bizarrement, depuis l'année dernière, est devenu le bassiste d'Autopsy. Voilà, ils ont tout récemment sorti un tout premier album via le label anglais Peaceville Records, et sans aucune surprise, on est sur un bon vieux Death Doom à l'ancienne. C'est un peu moins baveux et dégoulinant qu'un album d'Autopsy, mais la formule reste assez la même, voilà, des passages Death bien violents et des séquences doomesques beaucoup plus écrasantes. Et la recette est bien efficace d'ailleurs. Et en doublette avec Static Abyss, on va retrouver Ahara, le groupe de black venu de Suisse, formé en 2018. Ils sortent déjà leur quatrième album, hyper productif. On a diffusé les deux premiers, et ma foi, on est passé à côté du troisième. Une sortie toujours sur le label DB Mur Morti. Et ce quatrième album studio est le deuxième volet d'une série. Voilà, et musicalement on est toujours sur un black vachement frontal. C'est toujours une vocaliste au timbre bien arraché qui tient le micro. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut se laisser endormir par une espèce de forme de linéarité musicalement, alors qu'en fait, quand on est suffisamment attentif, il y a un énorme travail sur les mélodies au niveau des grattes et au niveau des atmosphères. Enfin, c'est pareil, le rendu est globalement assez fou. Voilà donc Static Abyss, on écoutera le morceau Nothing Left to Rot, une sortie Peaceville Records, donc l'album s'intitule Labyrinth of Veins, Ha'ara avec le morceau Das Dunkel der Welt, une sortie DB Mur Morti, l'album s'intitule Triad to Hemera. Et c'est parti pour le son. Ah! Avant-dernière doublette pour l'émission de ce soir, les vétérans de Fer de Lance, un nom français pour une formation américaine de Blacking Epic Heavy Doom, des morceaux forcément longs, un peu plus de 7 minutes chacun, avec quelques relents black metal dans les instrus par-dessus. Musicalement, les inspis vont se trouver du côté d'un Atlantic Codex ou de la période des Epic Vikings de Bathory, et notamment au niveau de la voix, on a une sacrée bonne personnalité musicale du côté de Fer de Lance. Et en doublette avec cette formation ricaine, un autre groupe ricain qui nous fait dans le War Black War Death à la sauce Archgod Blasphemy. Je pense que c'est une des sorties les plus dingues qu'on vous ait proposé depuis le début de l'année dans le style. J'ai vraiment hâte de creuser l'album. L'album a été publié en autoprod l'année dernière et c'est une nouvelle sortie 20 Buckspin Records. Voilà, un petit label ultra pointu et ma foi 100% quali dans ses diffusions. Donc voilà, on pourrait dire qu'on est sur un Archgods, Blasphemy et Revenge de plus. Et alors, oui, assez globalement, et la putain de particularité, c'est que c'est une chanteuse. Et enfin, c'est assez difficile à discerner, particulièrement dans ce style, enfin dans ce sous-style très très très masculin et viriliste. Et bah, ma foi, elle arrache méchamment, enfin c'est une putain de bête sauvage derrière le micro. 10 titres, 27 minutes, 0 finesse, 100% bestialité. Voilà, je tenais à préciser cette petite note de l'ami Sylvain en termes de précision. Fer de Lance, on s'écoutera le morceau The Mariner, extrait du nouvel Elfors Hyperborean. Savage Necromancy, Conquest of Nathareth, extrait du premier album studio Feathers Fall to Flames. C'est parti. and the sails wind up seas. But I follow Helios on a western Thank you. C'est déjà l'heure de se quitter pour la clôture de l'émission de ce soir, et puis on va pas franchement ralentir le tempo. Reaper Putrefied G, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Reaper, c'est un groupe australien formé en 2016 et qui, après une première démo, balance là son premier album studio. On est sur du proto-black d'influence Vieux Bathory, Discharge et autres Venom et Lammer. Voilà, c'est crado dans l'ensemble, et puis une basse qui dégouline et qui bave comme il faut. On fait un voyage dans le temps au début des années 80, ça va à l'essentiel en 30 minutes, c'est old school à mort et ça fait du bien. Et en doublette avec Reaper, Putrefied G, groupe de slam belge, dans lequel on retrouve le gars derrière le projet de Human Barbecue. Ils sortent là leur quatrième album studio, 10 ans après le précédent. Bon, entre tout ça, il y a eu quelques EP et split. Putrefied G, l'album est vraiment de très très bonne couture. Il s'intitule Annihilating the Week, une sortie Vile Tapes Record. On s'écoutera le titre Sledgehammer Massacre. Et juste avant, Reaper, le morceau Decay, extrait de l'album Viridian Inferno. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, et à dimanche prochain. Ciao.